L'Agence télégraphique centrale de Corée a publié le 31 août l'information détaillée sur la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, grand festival de la puissance de la jeunesse Baek-Tusan. L'information note qu'on a rebaptisé l'Union de la jeunesse comme Union de la jeunesse Kim Il-suniste Kim Jong-iliste, selon le vœu unanime de tous les jeunes, et précisait un grand programme pour marquer l'apogée du mouvement de la jeunesse Tutsi. Elle ajoute que cette conférence était une grande réunion significative des jeunes avant-gardistes qui a marqué un jalon historique dans la transformation de l'union de la jeunesse par le Kim Il-sungisme Kim Jong-ilisme. Elle souligne que la 9e conférence de l'union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, réunion de la victoire et de la gloire et grand festival de la jeunesse, est le brillant résultat de la noble politique de donner la priorité aux jeunes, politique d'amour envers les jeunes du maréchal Kim Jong-un, qui fait de nos jeunes l'objet de grande envie du monde entier, en disant qu'il veut aller cueillir même l'étoile pour eux.